un jour mon tour. Mon tour viendra, elle m'ouvrira, m'ouvrira les bras. Je serai mort de peur quand cessera de battre mon cœur. Je serai mort de peur quand cessera de battre mon cœur. Yeah, yeah. Un jour c'est sûr, un jour peut-être, pas aujourd'hui. J'aime tant la vie, laisse passer encore cette nuit. J'aime tant la vie, laisse passer encore cette nuit. Yeah, yeah. Oh, oh. Un jour peut-être, un jour c'est sûr, un jour peut-être, pas aujourd'hui. J'aime tant l'amour, laisse passer encore ce jour. J'aime tant l'amour, laisse passer encore ce jour.